Kugira. Serafine Akizimana sur la mise en onde. Merci de nous rester fidèles, auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Donc voici d'abord les grands titres. Plus de 70 dossiers en rapport avec les malversations et les détournements des biens publics ont été répertoriés par la commission mise en place à cet effet. Vous entendrez Élisée Ndaye, présidente de cette commission qui a présenté le rapport de la dite commission ce jeudi. Et à la veille de la célébration de la journée internationale du travail, le Forum des femmes au Burundi se dit satisfait du respect des droits des femmes en milieu de travail. Vous entendrez la secrétaire nationale de ce forum qui dit toutefois qu'il y a encore des irrégularités qui s'observent. Et les personnes qui ont perdu les cartes ayant été utilisées dans les élections référendaires disent éprouver des difficultés pour retrouver leur carte d'électeur. C'est au moment où c'est la deuxième journée de récupération des cartes d'électeurs pour les élections de 2020. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, 78 dossiers liés à la malversation et détournement des biens publics par certains responsables administratifs, techniques et financiers de l'État ont été enregistrés par la commission spéciale chargée de suivi et identification des autorités qui se sont livrées à des actes de malversation. Élisée Ndaye, le président de cette commission, l'a annoncé dans un point de presse animé ce jeudi pour dresser le bilan actualisé des réalisations de sa commission. Suivez Élisée Ndaye. Dans notre précédent point de presse, nous avions annoncé la mise sur pied par décret présidentiel d'une commission chargée de suivre les cas de certains responsables qui affichent un comportement anormal de nature à ternir l'image de l'administration publique en violation de la loi ou se livrent à des actes de malversation. Beaucoup de citoyens ont déjà communiqué à la commission les cas de malversation constatés et qui peuvent être répartis de manière suivante. Mauvaise gestion des fonds publics. 18 dénonciations sont parvenues à la commission. Détournement des véhicules de l'État, 4 dénonciations. Détournement de la subvention de l'État aux coopératives Sangwe, 10 dénonciations. Vente des boisements communaux, 14 dénonciations ont été enregistrées. Vente ou attribution irrégulière des terrains du domaine de l'État, 16 dénonciations. Malversation dans les marchés publics, 8 dénonciations ont été enregistrées. Achat du café au caféiculteur à un prix inférieur au prix fixé par l'État, 3 dénonciations. Et en fait, dans le domaine de la justice, 5 dénonciations sont. Actuellement, la commission s'attelle à mener des investigations sur ces cas pour transmettre un rapport irrelatif. Toutefois, la commission attend toujours des dénonciations dans le domaine des impôts et taxes, dans la gestion des devises et dans le secteur des mines. Les dénonciations sont rares au niveau central, c'est-à-dire dans les ministères, ainsi que dans les sociétés publiques et parapubliques. Un nouveau langage a été adopté en matière de malversation, tel que « nous venons sur la route d'en haut » ou bien « nous faisons partie du système ». Nous voudrions alors demander à la population de continuer à dénoncer les cas de malversation constatés et même redoubler d'efforts afin que les biens publics soient sauvegardés et que les biens publics détournés soient récupérés. Nous voudrions enfin rappeler que le dénonciateur qui fournira une information permettant de protéger les biens de l'État pourra percevoir un intéressement et sa discrétion sera garantie. Élisée Ndaye, il est président de la commission spéciale chargée de suivi et identification des autorités qui se sont livrées à des actes de malversation. Après une courte pause, on va passer en page politique, à commencer par le sud du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les politiciens devraient battre campagne publiquement, c'est l'appel du gouverneur de Lumonge, Juvenal Bigirimana. Après des informations faisant état des échauffourées entre des militants des partis politiques en zone Minago, interdisant d'autres à faire des propagandes de porte à porte, il informe que cette forme de propagande est douteuse mais n'est pas interdite. Suivez le gouverneur de la province Lumonge, Juvenal Bigirimana. Je commence à lui demander s'il est au courant de cette situation. jusqu'à maintenant, le rapport en ce qui concerne cela ne m'a pas encore parvenu. Mais pour les gens qui vont enseigner porte à porte jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu ceux qui ont demandé de faire ça. Mais pour les gens qui font ça, on ne peut pas manquer de doute. Parce que la propagande porte à porte, lequel message qu'on ne connaît pas, si c'est un message qui fait que la population peut même avoir peur, ça peut provoquer des problèmes après cela. Alors, je conseillerais à toute personne qui veut faire sa propagande de faire la propagande en plein air, là où il y a des personnes. Pourquoi cacher les bonnes choses qu'on veut donner à la population? En tout cas, je ne confirme pas que tous ces gens porteurs de ces messages sont mauvais. Mais on ne peut pas manquer de doute. Et lorsque ceux qui battent campagne arrivent dans la province, au-delà des heures de campagne, comment est-ce que vous vous comportez dans ce cas? On commence les campagnes électorales à 6h du matin et on termine 18h. Alors, s'il y a des gens qui sont dans les campagnes et l'heure de 18h arrive et ces gens-là se trouvent en route, en rentrant à la maison, ça, il n'y a aucun problème. Pour ces gens-là, on leur demande, et il y a des gens qui se déplacent avec des baffes, des lance-voix, on leur demande tout simplement d'éteindre tout cela pour qu'ils puissent rentrer en paix. Les gens qui sont dans la route, à rentrer à la maison, au-delà de 18h, cela n'a pas de problème. Non loin de Lumonge, c'est-à-dire en province Makamba, on parle de l'éradication de la pauvreté, le chômage, la famine, qui sont certains projets de société que le parti Sahonia Prodebo compte réaliser une fois au pouvoir. C'était son mercredi en commune Makamba, lorsque Léon Senguenda Koumana, candidat à la présidentielle pour le compte de son parti, battait campagne électorale. Pierre Claver Nahimana, qui est responsable national de dit parti, quant à lui, salue le fait que leurs activités n'ont pas été perturbées depuis Makamba. Jérôme Hakidimana. Expliquant à ceux qui avaient répondu présent à ce rendez-vous les projets de société mis en avant par la formation politique Sahonia Prodebo, dont il est candidat présidentiable, Léon Senguenda Koumana a mis un accent particulier sur l'éradication de la pauvreté, la famine et le chômage. Lundi qu'ils ont la soif d'éradiquer la pauvreté, la famine et le chômage, et certaines maladies dans notre pays. J'ajoute qu'ils voudraient que nos chers élèves étudient ce qui leur est essentiel dans leur vie quotidienne. Je signale que si on n'a rien, on peut être facilement instrumentalisé, d'où la responsabilité de tout un chacun de lutter contre cette pauvreté pour mieux renforcer le principe démocratique dans notre pays. Concernant les impôts et taxes, Léon Senguenda Koumana compte en faire la décentralisation de la caisse nationale en une caisse communale pour que sa population la suive de près et ainsi éviter son éventuel détournement. Quant à Pierre Claver Nahimana, le responsable national de cette formation politique, arrivé à Makamba sans avoir été percuté, c'est l'un des signes de la démocratie, bien qu'il y ait, selon toujours lui, encore à améliorer. 4 partis politiques, une coalition et 2 indépendants concourent au fauteuil présidentiel dans cette province pour les 294 089 électeurs enregistrés. Jérôme Hakizimana, depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Toujours en page politique, certains habitants de la capitale Bujumbura se réjouissent de la distribution des cartes d'électeurs malgré le nombre élevé des gens qui viennent les récupérer. Yves Gateletse, président du bureau de vote situé à l'école fondamentale Mirango 1, indique qu'il s'observe des gens qui ont perdu leur carte d'identité et les cartes d'électeurs reçues pendant le référendum de 2018. Il demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de statuer sur ce cas. On reviendra sur cet élément si jamais cet élément est disponible, on va y revenir. Mais passons en page économie. Le budget 2020-2021 prévoit un recrutement de 1 000 enseignants ainsi que 201 médecins et techniciens de la santé. Pour plus de 2 000 2 milliards et 800 millions selon le document des questions adressées au ministre des Finances par la Commission des comptes et des Finances à l'Assemblée nationale. Deux ministères et le secrétariat général du gouvernement affichent des montants différents de la lettre de cadrage. Le budget de l'État exercice 2020-2021 récemment adopté par les deux chambres du Parlement burundais de plus de 1500 milliards de francs burundais. Mireille Kanyank. Entre autres questions de la Commission des comptes publics et des finances à l'Assemblée nationale figurent les budgets de différents ministères dans le budget de l'été exercice 2020-2021 qui diffèrent des montants de la lettre de cadrage budgétaire. Cette commission parle notamment du ministère de l'Intérieur dont le montant figurant dans la lettre de cadrage est de plus de 74 milliards alors que le montant du projet figurant dans le projet de loi budgétaire est de plus de 93 milliards. Sur cette inquiétude, le ministre des Finances explique que le dépassement du budget cadré à hauteur de 20 milliards de francs burundais est motivé par la nécessité d'acheter, entre autres, les véhicules pour les administrateurs et l'appurement des arriérés des projets communaux. Côté ministère des Travaux publics, selon toujours ce rapport, le budget cadré est de plus de 15 milliards, mais il est plus de 31 milliards, un dépassement de 102% que le ministre des Finances, Domitien Déhokubgayo, a justifié par l'augmentation d'un budget destiné aux indemnisations et expropriations, ainsi que le budget de fonctionnement de l'Office burundais de l'habitat au Bourra et l'Agence routière du Burundi. Quant au secrétariat général du gouvernement, le budget cadré est de plus d'un milliard de francs burundais, mais il est passé à plus de 4 milliards de francs burundais. Le dépassement du budget correspond aux frais d'investiture du nouveau gouvernement à hauteur de 3 milliards de francs burundais, a expliqué le ministre Domitien Déhokubgayo. Selon toujours ce document, au ministère de l'Éducation, 1000 enseignants seront recrutés pour un budget de plus de 2 milliards de francs burundais. Et côté ministère de la Santé publique, 201 médecins et techniciens de santé seront recrutés pour un budget de plus de 854 millions de francs burundais. L'autre inquiétude de cette commission à l'Assemblée nationale est le montant de plus de 87 milliards de francs burundais dans la loi budgétaire 2020-2021, alors qu'il était de plus de 67 milliards de francs burundais dans le budget de l'État 2019-2020. Sur ce, le ministre des Finances a expliqué que l'augmentation de 20 milliards par rapport au budget précédent s'explique par le fait que l'État met l'accent particulier sur le financement des projets de développement local dans l'objectif d'augmenter la production agro-pastorale. Pour rappel, le budget de l'État exercice 2020-2021 est estimé à plus de 1500 milliards de francs burundais. Merci Mireille Kanyange. Et revenons sur l'élément en rapport avec la politique. Certains habitants de la capitale Bujumbura se réjouissent de la distribution des cartes d'électeurs malgré le nombre élevé des gens qui viennent les récupérer. Yves Gateletse, président du bureau de vote situé à l'école fondamentale Mirango 1, note qu'il s'observe des gens qui ont perdu leur carte d'identité et les cartes d'électeurs reçues pendant le référendum de 2018. Il demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de résoudre ce problème. Les détails avec Adrien Ndimurukuntu. Nous sommes au bureau de vote situé à l'école fondamentale Mirango et de la zone Kamenge, au nord de la capitale Bujumbura, où s'observent déjà qui viennent récupérer les nouvelles cartes de vote. Certains habitants rencontrés sur le lieu sont satisfaits de cette opération, mais indiquent que le nombre des distributeurs de ces cartes sont un nombre insuffisant, ce qui fait qu'ils doivent y passer une longue durée. Cette activité de distribution de nouvelles cartes d'électeurs se déroule très bien ici dans la zone urbaine de Kamenge. Nous remercions la commission nationale indépendante car chacun reçoit sa carte là où il s'est fait inscrire. Toutefois, il faut que la CENI augmente ses agents afin que nous puissions passer peu de temps sur le fil d'attente. Le président du bureau de vote se trouva à cette école, dit qu'il s'observe déjà qui ont perdu leur carte d'identité et les cartes récits pendant le référendum de 2018. L'opération de ces cartes, ça marche un peu. Il y a des petits problèmes qui se passent ici. C'est des gens qui viennent ici, mais il n'y a pas de carte d'électeur ou bien de pièce d'identité. ne sont pas capables de lui donner leur carte d'électeur. Yves Gateretse demande à la Commission électorale nationale indépendante de CENI de statuer ce cas. Nous appelons la Commission électorale pour nous donner l'autre ordre à ceux qui n'ont pas les cartes d'électeur et le pièce d'identité. Il demande également à la population de venir récupérer les nouvelles cartes de vote avant l'expiration de la période donnée. Nous nous sommes rendus également au bureau de vote à l'école EPJP Nyakabiga. Les distributeurs de ces cartes disent qu'il n'y a pas d'irrégularités. Cette activité de la distribution des nouvelles cartes d'électeurs de mai prochain va prendre fait lundi le 4 mai 2020. Merci Adrien Dimurukundo. 100 bicyclettes, 5 tricycles ont été octroyés à des membres des associations de transport qui seront payés petit à petit, moyennant le versement journalier. Le directeur général de la solidarité de Mutualité pour la Santé Solis, qui a donné ce matériel, dit que c'est dans le but d'accompagner les gens disposant de peu de moyens pour atteindre un développement durable. Maximilien Shimayezu dit en outre que cette mutualité aide ces derniers pour leurs soins de santé, mais promet également de leur offrir des crédits à travers le fonds Focus COP. Et enfin, le Forum des femmes au Burundi se dit satisfait du respect des droits des femmes en milieu de travail, même s'il s'observe encore des irrégularités. C'est la déclaration de la secrétaire nationale de ce forum qui précise que certaines lacunes s'observent dans le secteur privé. Jeanne Fanuguhora demande à l'État de revoir la réglementation des congés de maternité, surtout dans le secteur privé, car il est le premier régulateur du travail au Burundi. Elle le dit à la veille de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Suivez-la. Elle a été jointe au téléphone par Aimé Richard Niyonkuru. D'une façon générale, au niveau, c'est une journée internationale de travailleurs. Et vous savez que ce sont les femmes, d'ailleurs même les femmes rurales, travaillent beaucoup. C'est les femmes qui sont le pilier du ménage. Ce sont les femmes qui nourrissent tout le pays. Alors, nous sommes vraiment satisfaits. Parce que pour le moment, les femmes ont accès au même degré que les hommes. Si vous avez un diplôme, si vous avez les compétences, vous pouvez avoir un travail, vous pouvez chercher à avoir un travail, que ce soit être membre, un dirigeant dans une organisation ou bien être membre du gouvernement. Donc, il y a des quotas reconnus par la loi, la constitution du Burundi. Donc, il y a beaucoup d'améliorations au niveau du travail, mais il y a quand même des lacunes. On ne peut pas manquer de lacunes, surtout que les femmes, au niveau des ménages, font beaucoup de travail que les hommes. Beaucoup de travaux, vraiment, sont dédiés à la femme, sont laissés à la femme et elle est épuisée. Mais aussi, dans le secteur privé, la loi ne facilite pas les femmes qui sont à l'âge de procréation. Quand elles prennent le congé prénatal et postnatal, elles sont privées de leur salaire ou bien leur salaire est coupé à moitié. Le forum essaie de faire l'approche pour que la loi soit arrivée en faveur de la femme. En tant que forum, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous aidez justement à ces femmes dont les droits sont bafoués? Bon, il y a des femmes qui, une fois en congé, peut-être s'il y a une complication après l'accouchement ou bien s'il y a une complication avant même l'accouchement, si vous passez beaucoup de temps sans aller au travail, il y a des femmes qui risquent d'être chassées et qui ont risqué d'être chassées. Mais quand elles nous ont approchées, nous avons approché leur chef, les décideurs de ces organisations et nous avons essayé d'essayer d'échanger afin que les femmes aussi soient rétablies dans leurs droits. Qu'est-ce qui dénouerait justement cette situation en tant qu'organe de prédoyer? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui suggérer d'instance de prise de décision? Toutes les ONG, toutes les institutions sont sous le contrôle du gouvernement et c'est le gouvernement qui peut dire oui ou pas si telle ou telle autre organisation continue au travail. On essaie de plaider pour que les lois soient au moins revues pour éviter la discrimination et l'injustice à l'égard des femmes. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Akidemana qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nibigira, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Je vous retrouve à 16h pour le bulletin de l'information.